D'inspiration. Je peux vous parler de mon Yuta, qui est pas en très bon état. J'ai oublié de l'arroser tout l'été. Et mon Yuta, il a pas aimé, c'est normal. C'est de ma faute, je l'ai oublié. À rien. Quand j'oublie les trucs, j'y peux rien. Je pense donc, je suis mon chemin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, ouais. Tu penses à rien. Quand tu oublies les trucs, j'y peux rien. Tu penses donc, tu suis ton chemin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. D'inspiration. Je pense à des trucs bizarres, comme à cette petite histoire. Oui. L'anus et le tournevis ne se connaissent pas, ils se croisent parfois dans certaines galeries désaffectées du quartier sud-est de la cité. L'anus se sent si seul et triste sans son ami le Christ, qui n'a pas ressuscité depuis longtemps. Il avait promis que je reviendrais pourtant. Il n'est pas revenu. Au début je n'ai pas cru, puis finalement je crois. Hey, qu'il ne reviendra pas. Le tournevis lui n'a pas d'histoire, et en plus il est con. Mais dans une galerie un soir, il rencontra le fion. L'anus était penaud et l'autre le sentit. C'est vrai qu'il faisait de la peine, mais maintenant ils sont amis. Hey, mais pas trop quand même, mais pas trop quand même. J'ai oublié comment ça se terminait, et la fin y en aura pas. Ça serait dommage, hein. Ouais, c'est comme ça. C'est de ma faute, je l'ai oublié. Mamat, à quoi tu penses? Oh, Mamat, à quoi tu penses? Tout, je pense à rien. Quand j'oublie les trucs, j'y peux rien. Je pense donc, je suis mon chemin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, ouais. Tu penses à rien. Quand tu oublies les trucs, t'y peux rien. Tu penses donc, tu suis ton chemin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais. Tu penses à rien quand tu oublies les trucs, t'y peux rien. Tu penses donc tu suis ton chemin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais, mais tu penses à rien quand tu oublies les trucs, t'y peux rien. Tu penses donc tu suis ton chemin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien.